après jusqu'à que je n'ai plus rien à donner. Complètement manipulé, je savais plus qui j'étais. C'est toi qui m'as fait croire que c'est comme ça qu'il faut s'aimer. J'étais à côté de la plaque et j'étais loin de me douter. Des embrouilles tous les jours sur comment je m'habille, comment je me maquille. Tu mettais la pression sur le chemin du taf. Je relisais les messages où tu me parlais mal. Où tu me parlais trop mal. Au bout d'un moment, moi j'en ai eu marre. C'est pas ce que je mérite. Alors je t'ai quitté. Tu m'as dit si je suis comme ça, c'est parce que je t'aime. Donne-moi une chance, promis je vais me rattraper. Mais non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Ah non non non plus jamais. Ah non non plus jamais. Non non non non non non non non non non non non. Ah non non non plus jamais. Ah non non plus jamais. Maintenant ma patience elle est limitée. Diri ding dong il est l'heure de regretter. Tirage d'ego qui ne cherche qu'à m'imiter. T'auras jamais comme moi, je te l'ai assez répété. Plus jamais. Plus jamais. Non plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Non plus jamais. T'étais le seul que mets sur terre. Que j'allais pas m'en remettre, allez fonce dans le mur. Toi tes gueudins, vas-y fonce dans le mur. Toi tes gueudins, vas-y fonce dans. Tu pensais que j'allais pleurer toute ma vie. Depuis regarde comment j'ai embelli. Allez salut, fonce dans le mur. Fonce dans le mur. Maintenant ma patience elle est limitée. Diri ding dong, il est l'heure de regretter. Tirage d'ego qui ne cherche qu'à m'imiter. T'auras jamais comme moi, je te l'ai assez répété. Plus jamais. Plus jamais. Non plus jamais.